J'aime les femmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. J'aime les femmes. Fantaisie en prose par Georges Laurin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les femmes. Oh, mais je les aime comme ça. Il écarte les bras. Pas grosse comme ça. Non, énormément. De tout mon cœur. C'est si gentil, une femme. Non, les femmes. Toutes enfin. Les maigres. Oh, les maigres et les grosses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tenez. L'autre jour, j'en suivais une. Moyenne. Ni grosse ni maigre. Pas trop grande, pas trop petite. Comme ça. Il indique la hauteur. Elle était blonde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les blondes. Il y a des jours. Les autres jours, c'est les brunes. Les rousses? De temps en temps, pas trop. Elle était donc blonde. Je la suivais. Et je l'aimais. Oh, je l'aimais. Vous comprenez? Je ne la voyais que de dos. Eh bien, figurez-vous que je m'avance. Elle se retourne. Elle était jolie. Oh! Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore les femmes jolies. Une jolie femme, une maison de campagne et rien à faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je la suivais donc. Elle se retourne. Pardon, madame, lui dis-je. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'irai bien faire un petit tour. Mais, monsieur, j'y vais. Ah ? Et où allez-vous ? Vous êtes un indiscret. Ah, demande bien pardon, c'était pour savoir. Eh bien, vous le savez. Comment je le sais ? Je vais chez vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a de ces choses auxquelles on ne s'attend pas et qui vous secouent un homme. Chez moi ? Dis-je. Oui, chez vous. Et je vais vous prouver que vos faux cols sont mieux empesés que vous ne le dites. Et que ce n'est pas parce qu'un faux col redresse plus ou moins qu'on renvoie une pauvre blanchisseuse. Mais pardon, madame, une blanchisseuse ? Oui, monsieur, une pauvre blanchisseuse qui ne vous a rien fait. Mais madame, je ne connais pas de blanchisseuse qui ne m'ait rien fait. Si, monsieur, mon apprentie, ma jeune apprentie qui est rentrée l'autre jour tout en larmes, la pauvre chérie, en me racontant que vous lui aviez refusé les faux cols, car, apprenez-le, monsieur, je suis votre blanchisseuse en chef. Ma blanchisseuse en chef ? Alors la jeune brune qui... Et vous êtes ça ? J'ai deux blanchisseuses, une brune et une blonde ? Oui, monsieur. Je vous suis, et nous allons voir. Mais ce n'est pas pour ça que... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'idée de recevoir un savon de ma blanchisseuse, ça m'avait complètement tourné la tête et je la précédais, en marchant derrière elle, sans me rendre bien compte qu'elle me menait véritablement chez moi. Nous marchions depuis un instant, elle devant, moi derrière, quand passa entre nous une femme. Superbe, énorme, etc. Je la suivis. « Pardon, madame, lui dis-je. « Oui, monsieur, j'ai compris. Mais cela ne peut pas durer. Quoi donc ? Nous allons arranger cette affaire-là. Suivez-moi. Où ça ? Chez vous ? Chez moi ? Eh bien, et l'autre ? Mais enfin, madame, m'expliquerez-vous ? Je vous dis que cette culotte vous va très bien. Laquelle ? Comment laquelle ? Mais la vôtre, monsieur, la neuve ? Ma culotte ? Oui, monsieur, votre culotte. Et si mon mari avait un peu plus d'énergie... D'énergie ? Il aurait fait sa course lui-même. Nous sommes les premiers tailleurs du monde, monsieur. Et du reste, suivez-moi. Je la suivis. Par derrière. La situation devenait embarrassante. Deux femmes chez moi. Et deux femmes jolies. Ah, mais jolies ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je m'esquivai. Je n'avais pas fait trois pas qu'une femme jolie... Ah, mais jolie ! Vint directement à moi. C'était un succès, décidément. « Nous n'avons pas une minute à perdre, » me dit-elle. « Mon mari me suit. Suivez-moi. »« Où ça ? » ?»« Chez vous. »« Chez moi, mais... »« Pas une minute, vous dis-je. » Et elle me poussa dans une voiture vide qui passait. Je montai, ahuri. « Me reconnaissez-vous bien ? » me dit-elle, en me regardant dans le blanc des yeux. « Il y a 3 ans... » Il y a 3 ans ? Oui, tout en haut du Mont-Blanc. Tout en haut du Mont-Blanc ? Oui, tout en haut du Mont-Blanc. il y avait deux hommes et une femme. Les deux hommes, c'était vous. Moi ? Vous et mon mari. Ah ! Vous me sauvâtes la vie. Et alors ? Alors nous voulons vous remercier tous les deux. Mon mari me rejoint chez vous. Nous avons découvert votre adresse. Ah, alors, madame, vous me permettrez de descendre le premier parce que... Oh, faites, monsieur, faites. Nous allons être si heureux. Je m'esquivai, et je restai bientôt sur le trottoir dans une rêverie amère de réflexion. Trois femmes chez moi ? Trois ? Et des jolies ? Vous voudriez bien, vous, avoir chez vous trois femmes, trois, et des jolies. Eh bien, moi aussi. Mais voilà le hic. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je suis marié. Fin de J'aime les femmes, par Georges Lorrain, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009.